scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1963, quatrième émission. En 1963, les auditeurs fidèles le savent, on peut se féliciter de la signature du traité franco-allemand de l'Élysée. On suit en feuilleton, télévisé, les aventures de Thierry Lafronde et de Jeannick Aimé. On visite l'Institut des Jambes. Sheila répond gaiement au courrier de ses admirateurs. On s'interroge sur la responsabilité de la série noire, littérature et cinéma confondus, quant aux pratiques des jeunes voyous qui multiplie les hold-up. On rencontre Alfred Hitchcock au Festival de Cannes, mais l'année est aussi sociale. 1963 sera l'année de la grande grève des mineurs. Et des mines et des mineurs en France, à cette époque, il y en a encore beaucoup. Pour l'heure, le mouvement commence. Interactualité, 3 mars 1963. Qu'on le veuille ou non, ce premier dimanche de mars ressemble fort à une veillée d'armes sur le front social. Demain pose de singuliers points d'interrogation. Un texte est paru ce matin au journal officiel. Un texte attendu, il est vrai, puisqu'il était annoncé depuis plusieurs jours. C'est le décret de réquisition de l'ensemble des personnels des houillères de bassin et des charbonnages de France. Il porte la date du 2 mars et la signature du président de Gaulle. Le décret stipule qu'étant donné l'urgence, la réquisition entrera en vigueur immédiatement. Immédiatement, cela veut dire, en l'occurrence, demain pour les bassins miniers de Lorraine, d'Auvergne, du Dauphiné, de Blanzy et de Provence. Mardi seulement, parce que demain est normalement chômé, le décret touchera les bassins les plus importants, Nord et Pas-de-Calais, et aussi Cévennes et Aquitaine. C'est à partir de là que se posent de graves questions, que naissent certaines inquiétudes. Sur quoi va déboucher l'ordre de réquisition ? Sur l'impossibilité pour les mineurs grévistes de mettre à exécution leur plan de débrayage massif. Sans doute, mais ce n'est pas aussi simple. Certes, encore que les syndicats n'aient pas vraiment dévoilé leur plan d'action, et peut-être n'est-il pas définitivement arrêté, on peut penser qu'ils ne prendront pas le risque de vouloir passer outre à la réquisition, et que, par conséquent, les mineurs rejoindront normalement leur lieu de travail. Ceux des coqueries, déjà requis, l'ont bien fait vendredi et samedi. Oui, mais ensuite. La réquisition fait aux mineurs obligation non seulement d'être présents sur les lieux de travail, mais encore d'accomplir normalement leur travail, de respecter donc la discipline professionnelle. Autrement, il y a faute. Et s'il y a faute, il peut y avoir sanction. C'est du moins ce que rappelait hier encore la direction des charbonnages. Or, on a vu vendredi et samedi les ouvriers des coqueries qui avaient déféré à l'ordre de réquisition faire la grève perlée et ralentir très sensiblement la production. Encore faut-il remarquer que le mouvement n'en était qu'à ses débuts. Demain, le mécontentement grandissant et encouragé somme toute par la solidarité exprimée par les autres secteurs, que feront les mineurs des différents bassins ? C'est la grande inconnue. Si les mineurs des houillères décident de pratiquer eux aussi la grève des bras croisés, ils s'exposeront aux différentes sanctions prévues. Mais une nouvelle question ici. Qui, dans les différentes mines, dressera ce qu'on pourrait appeler le constat de non-observation de la réquisition ? Autrement dit, qui constatera qu'il y a faute ? Cette tâche revient normalement aux cadres, aux ingénieurs, lesquels sont aussi visés par le décret de réquisition. La direction des charbonnages le rappelait également. Et c'est là que se pose un autre problème, car Les ingénieurs, vous le savez, ont marqué leur solidarité avec les travailleurs de la mine. Ils ont fait savoir déjà qu'ils ne prendraient aucune initiative sans pour autant refuser de faire respecter la discipline professionnelle, d'ailleurs. Aucune initiative, donc, rien de leur propre chef qui favoriserait la prise de sanctions. Qui plus est, dans certains bassins, celui du Nord et celui de Provence notamment, ils ont décidé d'abandonner 2 jours de salaire au profit des mineurs. Voilà. Position dure des deux côtés. Voilà une situation qui, pour l'instant, ne laisse place qu'à l'expectative, mais non plus, semble-t-il, à l'arrangement, en dépit des espoirs formulés hier par M. Granval, le ministre du Travail. Les syndicats, en fait, peuvent s'appuyer sur l'expérience des 2 derniers jours, où on a vu la grève suivie à 95% en moyenne par les mineurs du fond. Ils peuvent s'appuyer aussi sur la solidarité qui se manifeste ailleurs, par exemple sur l'arrêt national de travail d'un quart d'heure prévu pour mardi en fin de journée, sur les protestations contre la réquisition émanant des grandes centrales syndicales, sur la grève de solidarité de 2 heures décidée par les syndicats du gaz et de l'électricité, grève dont la date reste à fixer, mais qui débrayeront déjà pendant 1 heure mardi en fin de journée. Et aussi sur les mouvements qui se dessinent ou qui ont eu lieu déjà dans la métallurgie, dans les industries chimiques, à quoi il faut ajouter une motion de soutien de la Fédération MRP du Pas-de-Calais et la lettre de l'évêque d'Arras. Cette lettre a été lue aujourd'hui dans toutes les églises du Pas-de-Calais. L'évêque d'Arras, bien que se défendant de prendre position dans le conflit entre syndicats et direction, souligne cependant que les chrétiens sont tous concernés par cette grève. Je crois qu'il faut attendre maintenant la journée de demain, mais je vais tout de même demander à notre correspondant Claude Laplot, qui était ce matin à Lens, où il y avait réunion syndicale, ce qu'il a pu apprendre. La tension monte de quelques degrés dans le bassin minier, ce qui ne veut pas dire que les esprits sont échauffés, le calme règne partout. Et si ce n'est les assemblées générales de mineurs, les prises de contact entre les grandes centrales syndicales qui se déroulent dans le secret des bureaux, rien en ce dimanche matin ne laisse supposer que 100 000 mineurs sont en grève. Mais la tension monte néanmoins car aujourd'hui, il s'agit pour les syndicats des mineurs d'arrêter la position à adopter en face de la réquisition qui, en principe, doit entrer en vigueur dès mardi matin. Ce matin, M. Joseph Sotti, président de la Fédération nationale des mineurs CFTC, est venu à Lens s'adresser aux militants de son organisation. Les militants CFTC avaient à se prononcer sur 3 attitudes à prendre. Première attitude, s'opposer en masse à la réquisition, c'est-à-dire ne pas se présenter au travail mardi matin. Seconde attitude, être présent sur les lieux du travail et faire la grève des bras croisés. Troisième attitude, décider la reprise normale du travail. Il semble que c'est la seconde attitude, à savoir la grève des bras croisés, qui sera finalement retenue, si l'on en croit la discussion qui suivit l'exposé de M. Sotti. Mais on ne peut préjuger, voyez-vous, de la position définitive des syndicats, car les 3 grandes centrales syndicales doivent en commun décider de cette position définitive. Elle sera vraisemblablement portée à la connaissance des mineurs demain matin. Il reste à savoir quelle est la tendance à la CGT et AFO. Mais la CFTC a abordé aussi une autre question ce matin, le danger de la politisation de la grève. Et sans la citer, M. Sotti, tout le monde l'a compris, faisait allusion à la CGT. Et c'est dans cet esprit que ni la CFTC ni FO ne participeront demain aux manifestations de Douai et de Lens, manifestations de rue organisées justement par la CGT. Ici Claude Laplot qui vous parlait de Lens, à vous Paris. La grève va durer tout le long du mois de mars 1963. Les mouvements de solidarité, les prises de parole et les débats se multiplient. Ainsi, le 30 mars 1963. Document Radio Nord. Camarades, je ne pense pas qu'il soit utile de tirer une longue conclusion de ces débats. Tout ce qui devait être dit l'a été par les différents orateurs qui se sont succédés à cette tribune. Je voudrais, quant à moi, simplement ajouter ceci. Mineurs, femmes de mineurs, serrons les dents. Notre puissance est en nous-mêmes. Continuons notre fidèle combat. Et demain, soyez-en sûrs, nous verrons fleurir dans les corons de nos cités minières les bouquets de la victoire. Je voudrais vous lire, avant de passer à la motion, quelques communiqués qui nous sont passés. Le premier, et je pense que c'est celui-là qui vous fera le plus plaisir, émane du comité intersyndical régional de solidarité, réuni à Lens le vendredi 29 mars 1963, a décidé le principe du versement d'une nouvelle indemnité de secours le mercredi 3 avril. Le montant et les modalités de versement seront définis au cours de la réunion plénière des comités intersyndicaux de groupe qui se tiendra à Lens, place du Cantin, lundi 1er avril à 10h. Le comité intersyndical régional remercie tous ceux qui ont contribué par leurs dons à rendre la solidarité effective et qui permettent aux mineurs de tenir consent du soutien de l'opinion publique. Je voudrais vous signaler la présence parmi nous des camarades mineurs de Montceau-les-Mines qui sont venus apporter le salut fraternel de leur bassin. Un message de la GOC et la GOCF de la région des mines. La GOC et la GOCF de la région des mines s'associent au combat des mineurs pour faire respecter leur droit à un salaire juste. Leur droit à être écouté et respecté, leur droit à la liberté syndicale. La JOC demande à tous les jeunes de prendre leur place de jeunes dans cette lutte du monde ouvrier et de participer activement à la campagne de solidarité en faveur des familles en grève. Les personnels de la RTF, techniciens, administratifs, artistiques, producteurs dénoncent l'attitude gouvernementale qui consiste à essayer de briser par des manœuvres dilatoires votre unité syndicale, à laisser pourrir votre grève, à diffuser par sa presse, sa radio, sa télévision des informations tendancieuses, à ne pas accorder à vos organisations syndicales le droit de réponse à la RTF. Solidaires de votre combat, les personnels de la RTF ont adressé au comité intersyndical de la Bourse du Travail un premier versement de 1 800 000 anciens francs. De plus, à l'appel des fédérations CGT, CFTC, Fédération d'éducation nationale, Union nationale des étudiants de France organise une collecte nationale sur la base d'une journée de traitement. Les personnels de la RTF vous félicitent pour votre victoire sur l'ordre de réquisition, souhaitent une complète satisfaction à vos revendications. Signature, Syndicat national de radio-télévision, et j'en passe, bien entendu. Meeting enregistré le 30 mars 1963 par Radio Nord. Quelques semaines plus tôt, en ce tout début d'année 1963, les auditeurs de la chaîne parisienne faisaient mieux connaissance avec l'homme qui allait devenir la plus grande vedette de cinéma de la décennie. Le disque des vedettes. Voici en effet le disque des vedettes, une émission de Georges Laurier réalisée avec la collaboration de François Liénas et la participation épistolaire de tous les auditeurs ayant quelque chose à dire ou à demander à leur vedette préférée. Et cette vedette aujourd'hui se nomme... Louis de Funès. Louis de Funès, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette émission, car le dimanche matin est le moment du sourire par excellence, et vous êtes un homme souriant par excellence également. Je dois dire que nous n'avons pas eu jusqu'à maintenant l'occasion souvent de recevoir des personnages comiques dans cette série d'émissions, et que c'est une grande joie que vous nous faites. Vous savez que depuis quelques semaines, nous lançons des appels sur les ondes en signalant que c'est vous qui répondrez sur l'antenne au cours de ce mois de janvier. Et je dois dire que le courrier reçu est très important et très intéressant, comme vous allez pouvoir en juger dans un instant. C'est l'air de la grosse valse. Ah oui, je vais rejoindre à 3h tout à l'heure. C'est l'air qui vous que définit. J'ai quitté hier soir à minuit. C'est l'air qui vous définit. Oui. C'est l'air qui vous définit tout au moins en ce moment. Oui. Mais pour vous définir un peu mieux, j'aimerais qu'avant d'attaquer la première lettre, comme on dit, j'aimerais regarder de manière un peu indiscrète votre carte d'identité. Oui, de Funès. Alors nom, c'est bien de Funès. De Funès, de Galarza. De Galarza. Oui, je suis d'origine espagnole. Votre nom n'est donc pas un pseudonyme, il est simplement votre vrai nom un petit peu raccourci. La moitié. Vrai nom, c'est bien Louis. Louis. Date et lieu de naissance. Le 31 juillet 1914, à Courbevoie. Aucune coquetterie, voyez-vous. Non, pas du tout. Nationalité française. Profession. Alors là, je suis un petit peu embarrassé, car naturellement, je sais, et tout le monde sait que vous êtes comédien, mais vous êtes plus que comédien. Vous êtes aussi mime, vous êtes aussi clown. Alors, quelle profession? Ah bah, c'est le comédien, c'est l'art du comédien. En général. Le comédien doit savoir tout faire. Bon, alors, signe. Enfin, beaucoup de choses, doit savoir faire beaucoup de choses. Signe particulier? Quelques tics, si vous voulez. Quelques tics, une certaine manière de se remonter la lèvre, en cadence, une certaine manière de cligner les yeux. Moi, je me prends pour un marbre, alors, vous savez. Oui. Alors, moi, je ne me vois pas faire des tics. Et puis une certaine façon de parler avec l'accent gendarme aussi. En train de parler comme ça. J'aime bien parler comme ça. Passons à la dernière. C'est pas sérieux. Tout ce qu'on dit n'est pas sérieux. La dernière rubrique de cette carte d'identité, titres honorifiques. Alors là, il s'agit bien sûr des pièces et des films. Écoutez, j'ai la grosse valse qui me plaît beaucoup. J'ai joué avec beaucoup de plaisir Oscar de Claude Magnier. La grosse valse, c'est de Robert Diret, de Colette Brosset, bien sûr. Et puis le... Comment ça s'appelle, le Diable des 10 commandements de Duvivier. Du côté cinéma, oui. Le Gentleman d'Epsom avec Gabin de Grangier. Oui. Puis je ne sais pas, il y en a d'autres. Ce sont là les principaux et en tout cas les plus récents. Oui, ce sont les plus récents, c'est ça. Bon, alors attaquons maintenant la lettre, la première lettre que nous avons sélectionnée pour vous demander d'y répondre. Il s'agit de la lettre de Monsieur Gracien, un de vos correspondants de Nancy. Monsieur Gracien vous dit ceci: comment expliquez-vous, Louis de Funès, votre réussite? Vous surprend-elle ou bien la considérez-vous comme l'aboutissement normal, logique, juste de tous vos efforts passés? Me surprend, ma réussite me surprend quand même un peu. Elle est le résultat quand même d'un travail acharné, et de petite montée par petite montée, d'année en année. Au début de deux ans, je monte des marches de 2 mois à 2 mois, 3 mois à 3 mois. C'est ça, vous n'avez pas été catapulté à la gloire, vous avez gravi les échelons. C'était très très long. Petit à petit. Très long, avec des années de vache maigre, très long. Il y a eu 7 ans. J'en ai 7 ans. Il semble que ce soit la bonne méthode, d'ailleurs, de monter doucement dans cette profession, ne croyez-vous pas? Je crois, oui. Oui, mais pourtant, regardez, il y a des montées, et il faut savoir s'y tenir, mais enfin, il y a des montées qui sont fulgurantes aussi. Regardez, je crois qu'il a une montée fulgurante, comme ça, Gérard Philippe a une montée fulgurante. Oui, ça, c'est vraiment l'exception. Oui, oui. Regardez, Bardot est montée fulgurante, et elle est très bonne comédienne, elle est très jolie, elle est très bonne comédienne, elle se tient très bien, c'est très bien. Il y a eu aussi Tino Rossi, jadis, qui a eu une montée fulgurante et qui s'est maintenue. Bah, tiens. Car vous savez que Tino Rossi, ça va me permettre d'offrir d'ailleurs... Moi, je l'ai vu l'autre jour à la Grosse Valse, il est très gentil, il a beaucoup ri, il s'est bien amusé. Ça va me permettre d'offrir un disque à M. Gracien, un disque de Tino Rossi. Tino Rossi ne redoute rien, absolument rien, des tours de la mode, et il se met au twist, ça y est, c'est décidé, c'est fait. C'est même enregistré dans la vinyle de son dernier Super 45 Tours. Tino Rossi danse le twist, seulement comme il s'appelle Tino Rossi, son twist à lui, bien sûr, c'est le twist à Napoli. Mon cœur a dansé tout l'été à Napoli. Ce nouveau succès que chantait sans arrêt tout Napoli. Il faisait le tour nuit et jour des faubourgs de Napoli. Et c'est grâce à lui que naquit pour toujours notre amour. Napoli, Napoli, Napoli, on perdait la tête. Napoli, Napoli, Napoli, sur cette terre de fête. Napoli, Napoli, Napoli, qu'à présent répète. Napoli, Napoli, Napoli, les oiseaux du ciel. Je me rappelle cette ruelle faisant la belle, coiffée de bleu, où sur ta bouche un peu farouche j'ai bu la source des jours heureux. Loin de tes rivages, Napoli, Napoli, Napoli, j'emporte un visage. Napoli, Napoli, Napoli, et dans mes bagages, Napoli, Napoli, Napoli, l'air que tu chantais. Et vous, Tino Rossi, s'inspirant de Johnny Hallyday, c'est quelque chose d'assez curieux tout de même. C'est joli, c'est joli. Ça vous plaît? Ah, beaucoup. D'ailleurs, il faut dire que la carrière de Tino Rossi, en souhaite, est un exemple. Ah, un oui. Exemple extraordinaire de longévité et de constance. Ah, oui. Mais ce n'est pas pour parler de Tino Rossi que nous sommes ici, mais bien plutôt pour parler de vous, et pour parler aussi de Madame Durot. Madame Durot de Bressuire, dans les Deux-Sèvres, qui vous a écrit une très longue lettre dont j'ai extrait cette phrase qui me semble intéressante par la question qu'elle pose. Êtes-vous comique par nature, Louis de Funès, ou bien par composition, par effort, par travail? Non, je crois par nature. On a une nature comique, on est comique. C'est-à-dire que depuis... Le verbe naître, on est comique, on a le don comique, on ne l'a pas. Qu'il faut développer, il faut travailler après, mais on a le don comique. Depuis très longtemps, vous êtes comique. Ah oui, à l'école, tout ça, je me faisais coller quelques petites 100 lignes, 200 lignes, 300 lignes, toujours pour des choses de comique. Parce que vous faisiez rire les autres. Bien sûr. À l'insu des professeurs, tout ça. Mais ça, c'est un choc en retour que vous avez reçu des autres, de votre entourage, de vos amis, de vos professeurs, de vos maîtres. Mais est-ce que par vous-même, vous aviez l'impression, par exemple, en faisant votre toilette le matin, est-ce que vous avez l'impression, devant la glace, que vous aviez quelque chose d'amusant? Ah, pas du tout. Oh non, non, non. C'est dans le commerce avec autrui, dans les rapports avec autrui, que je suis comique. Enfin, je crois. Mais chez moi, pas du tout. Chez moi, je travaille, j'ai des idées comiques. Je me dis, tiens, est-ce que si je disais ça, est-ce que si je faisais ça, ce serait drôle. Maintenant, dans mon métier. Oui. L'autre fois, je devais me le dire la même chose pour faire rire les copains. Je préparais des petites blagues. Enfin, quel genre de blagues? Oh, je ne sais pas, des blagues. Est-ce que vous aviez déjà votre série de petites grimaces et de petits tics? Oh, sûrement. Ça, je ne me rappelle pas très bien, mais enfin, je suis vu sûrement. J'ai fait mes débuts d'ailleurs sur scène. C'est au collège de Coulommiers, au cinquantenaire. C'était dans 1926. Je faisais un petit garçon qui avait un sabre de bois, qui voulait se faire engager dans l'armée d'Henri IV. Ah, oui. Ça s'appelait le Royal Dindon. Je chantais, j'allais à l'avancée, je chantais, on m'a donné un mousqueton qui pesait aussi lourd que moi, j'arrivais pas à le tenir. Vous étiez en costume de J'avais 10 ans et demi, je crois, à l'époque. Ça devait être charmant, ça. Oui, oui. Eh bien, Madame Duro, vous voilà renseignée. Nous arrivons maintenant à la lettre de Monsieur Demarc de Lille, qui vous pose cette question. Louis de Funès, il semble que, en examinant les rôles que vous avez incarnés jusqu'à maintenant, sur scène ou à l'écran, vous ayez un goût prononcé pour le rire sain. Vous n'aimez pas la gaudriole facile, vous n'aimez pas le spectacle un peu scabreux, tant en vogue de nos jours. Ce que je voudrais arriver à faire, c'est à faire un spectacle de famille, et pas du tout un spectacle de patronage, bien loin. Spectacle de famille, et tout simplement, il y a Charlot qui était avant nous, qui a fait toujours ça. Lester Keaton qui a toujours fait ça, Laurel et Hardy qui ont toujours fait ça, les plus grands. C'est vrai. D'abord, c'est très habile parce que ça rapporte beaucoup plus de recettes, parce que les gens viennent ensemble, ils viennent à 15, ils peuvent venir à 2. C'est vrai d'ailleurs. Non, mais c'est pas le but. Mais c'est un peu le but aussi. La grève des mineurs a duré 35 jours. Combien de temps les agriculteurs du Sud-Est seront-ils mécontents? Journal parlé du 2 juillet 1963. Et nous commencerons par la situation dans le Sud-Est, après les incidents sanglants d'hier à Avignon, vous en souvenez. Je vous dis tout de suite que nous n'avons pas connu aujourd'hui là-bas de tels incidents. Le climat serait à la détente, Michel Etienne. Oui, détente, mais pas encore paix. En effet, il y a encore eu des incidents ce matin, en particulier dans le canton du Pertuis, dans le Vaucluse. Des commandos de paysans se sont rendus chez les maires de 13 communes de ce canton et les obligeaient à signer une lettre de démission. Et au cours d'un meeting rassemblant les agriculteurs du canton qui a eu lieu cet après-midi, à Pertuis, un des maires, M. Porchier, a déclaré que la démission de ses collègues n'avait pas été librement consentie. Après lui, M. Augier, député maire socialiste de Pertuis, a souligné que cette démission n'était peut-être pas, pour les exploitants agricoles, le meilleur moyen d'atteindre leurs objectifs. Dans une atmosphère houleuse, sur la demande de certains agriculteurs, les 13 maires intéressés se sont réunis à la mairie de Pertuis. La réunion a duré une dizaine de minutes et M. Augier a confirmé ensuite aux agriculteurs qui s'étaient massés devant l'hôtel de ville la démission collective de ses collègues et de lui-même. La manifestation s'est ensuite dispersée dans le calme. Mais à cette manifestation, notre correspondant particulier à Marseille, André Hatchando, était allé prendre le pouls des manifestants et nous allons essayer d'entrer en relation avec lui. Je crois qu'il n'est pas encore en ligne et en attendant, je pense que nous pourrions faire état d'un autre incident qui s'est déroulé ce matin au marché aux légumes de Château-Renard où des commandos de producteurs se sont rendus. Ceux-ci ont saccagé tous les produits importés d'Espagne et en particulier des pêches, des prunes et des tomates. Oui, et ce matin à Marseille, le président de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône a tenu une conférence de presse pour commenter les récentes décisions gouvernementales. Le gouvernement a commencé à prendre des mesures d'apaisement, a-t-il déclaré, en arrêtant les importations d'abricots et de tomates. Mais ces arrêts sont assortis d'un mot que nous ne pouvons pas admettre, ils sont provisoires. Les agriculteurs demandent que les dates de la suspension des importations soient précisées. À l'issue de cette réunion, on apprenait que les agriculteurs du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône avaient décidé de reprendre leur action si le gouvernement ne décrétait pas l'arrêt total des importations jusqu'au 15 octobre. Ce que les agriculteurs appellent eux-mêmes un ultimatum a été transmis aux préfets des départements intéressés. Ils ont assorti leur ultimatum d'un délai, 48 heures. Si dans 48 heures ils n'ont pas obtenu satisfaction, eh bien, disent-ils, ils descendront dans les marchés chez les grossistes et chez les détaillants pour détruire, comme certains l'ont fait ce matin à Château-Renard, les fruits et les légumes importés. Eh bien, je pense que nous aurons maintenant les producteurs eux-mêmes à notre micro, puisque notre envoyé spécial à Avignon, André Hatchando, a assisté tout à l'heure à un meeting qui vient de se terminer au Pertuis. Écoutons-le. Au boulodrome de Pertuis, où nous sommes en ce moment, ce sont encore les mêmes mots, encore les mêmes doléances que nous enregistrons. Ils sont 400 à 500 producteurs de la vallée de la Durance, réunis pour examiner les mesures prises par le gouvernement, pour se concerter aussi sur la mise en application du système d'action préconisé ce matin à Marseille par les responsables syndicaux. Un détail qu'il faut souligner, les agriculteurs de la région de Pertuis sont surtout spécialisés dans la production de la pomme de terre dite de conservation, dont la récolte ne commencera que dans quelques jours. Mais ce détail ne change rien à tous les problèmes que nous évoquons depuis hier. Monsieur Marcel Champlois, président du Centre départemental des jeunes agriculteurs du Vaucluse, va nous situer exactement le temps de la réunion qui vient de se terminer. Bien, nous avons constaté, mais pour nous c'était une constatation qui était déjà acquise, nous avons constaté la solidarité la plus complète avec nos vues, nous avons constaté que les gens à l'heure actuelle sont terriblement surchauffés et qu'il faudrait simplement que les pouvoirs publics ne prennent pas en considération nos revendications pour que les choses aillent plus mal, pour que les choses explosent, et alors à ce moment-là nous demandons ce qui pourrait arriver. Êtes-vous d'accord avec le président des exploitants des Bouches-du-Rhône, M. Pellegrin, pour saboter par le touchement de commando les produits d'importation sur tous les marchés de Provence? Nous pensons qu'à l'heure actuelle, le problème des importations est dépassé. Je m'explique. Le problème des importations est dépassé en ce sens que les pommes de terre qui sont rentrées, le vin qui est rentré d'Algérie, car il faut attirer votre attention sur ce fait, c'est que l'ensemble de la paysannerie manifeste, aussi bien les producteurs de pommes de terre que les producteurs de tomates, que les producteurs de fruits, que les producteurs de vin. Les marchandises d'importation qui sont rentrées en France et qui sont stockées, il y a des pommes de terre stockées, il y a du vin stocké dans des caves, dans des cuves. Donc le problème des importations à l'heure actuelle est dépassé et ce que nous voulons maintenant c'est avoir un système qui nous permette d'écouler convenablement nos marchandises. Eh bien je crois que l'important maintenant est de savoir ce que le gouvernement français pense de cette nouvelle position des agriculteurs. Eh bien il est certain qu'on aura des précisions demain à l'issue du Conseil des ministres. On pensait en avoir ce soir car M. Pisani, le ministre de l'Agriculture, devait s'entretenir à la radio et à la télévision avec des journalistes spécialisés dans les questions agricoles. Or cet entretien a été ajourné. Eh bien, au Conseil des ministres de demain, il sera sans doute question aussi de la réglementation du droit de grève. En effet, un conseil restreint a eu lieu cet après-midi à l'hôtel Matignon et il a été consacré à ce sujet. On a étudié un avant-projet de réglementation de ce droit de grève dans les services publics et ce texte tend à organiser et non pas à réglementer le droit de grève, précise-t-on. Et puisque nous parlons de grève, je vous signale que le travail a repris ce matin normalement aux usines Sud Aviation, où, convoqués par lettre individuelle, 2500 ouvriers se sont présentés normalement à leur travail. Le réembauchage de tout le personnel doit être effectif demain. Enfin, des précisions sur la situation chez Peugeot. Oui, la direction des usines déclare que le travail a repris normalement aujourd'hui à Sochaux et elle ajoute que les mesures nécessaires ont été prévues pour assurer demain l'accès aux ateliers de tout le personnel. Extrait du journal de Paris Inter, le 2 juillet 1963. Le journal parlé évoque des mineurs, des agriculteurs, des ouvriers de chez Sud Aviation ou de Peugeot. Plus tard dans le mois, le même journal parlé informera qui de droit, pour peu qu'ils comprennent le droit, de l'existence d'un nouveau texte gouvernemental. Une autre décision gouvernementale, Robert Pietri, mais cette fois dans le domaine du droit. Ce faisant, les réformateurs du code de Napoléon s'attaquent plus à la forme, plus qu'au fond. Oui, ils s'attaquent plus à la forme qu'au fond. Dans quelques instants, nous allons d'ailleurs faire entendre aux éditeurs la lecture d'un article du code civil. Oui, cela intéresse plus particulièrement toutes les personnes mariées, je crois. Oui, donc pas vous, Jean-Armand Lady. Mais pas pour l'instant. De toute façon, je l'espère. Je vous précise que les époux eux-mêmes ne prêtent aucune attention, absolument aucune attention, à la lecture de ce texte par l'officier d'état civil. Oui, ils ont bien d'autres sujets de préoccupation en tête ce jour-là. Et pourtant, ce texte est très important, surtout pour les femmes. Alors, une minute d'attention, s'il vous plaît, pour revivre une minute de votre vie, une minute importante à laquelle pourtant vous n'avez pas prêté d'attention. Article 2135, l'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, au profit des mineurs et interdits sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle. Au profit des femmes, pour raison de leur dot et convention matrimoniale, sur les immeubles de leur mari et à compter du jour du mariage. La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues ou de donations à elle faites pendant le mariage qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet. Monsieur le maire, pensez-vous que le fait de supprimer cette lecture-là ne laisse pas les personnes à qui cela s'adresse ? Il est intéressant, en effet, que les époux connaissent l'existence de ces articles et ce qu'ils disent. On les prévient, mais on les prévient à un moment qui n'est pas choisi. Il me paraîtrait assez convenable d'inclure ces textes dans le livret de famille, qui pourraient être lus gentiment, être posés, ou alors, au moment du dépôt du dossier, remettre aux futurs époux une rédaction de ces articles. Vous le voyez donc, le maire du 12e arrondissement de Paris, que Frédéric Christian est allé interroger, a constaté lui-même qu'aucun des jeunes époux n'écoutait la lecture de ce texte. Et c'est donc pour cette raison qu'il propose que l'on imprime l'article et qu'on le glisse, par exemple, dans le livret de famille. Mais peut-on mieux connaître les raisons de la décision gouvernementale ? Maître Gaston Maurice, pouvez-vous nous traduire en termes non juridiques ce qu'est une hypothèque légale ? Il faut d'abord, je pense, que je dise ce qu'est une hypothèque avant de dire ce qu'est une hypothèque légale. Une hypothèque, c'est un mot qui semble savant, mais il vient tout simplement du mot grec qui signifie gage. En droit français, l'hypothèque s'applique seulement aux biens immobiliers. Et cela consiste en quoi exactement ? C'est très simple. D'ailleurs, tout le monde le sait pratiquement. C'est le droit que possède un créancier sur les biens immobiliers de son débiteur, droit qui lui permet, lors de la vente provoquée de ses biens, de passer en priorité, c'est tout. C'est ce qu'on appelle le droit de préférence et le droit de suite. Vous venez de me donner la définition de l'hypothèque, mais l'hypothèque légale alors ? C'est l'hypothèque dont bénéficie pour la protection de ses biens la femme mariée, ceci est très important, et la loi la dispense de passer avant le mariage ou après, à aucun moment, un contrat à cet effet. C'est un droit automatique. Car sans cela, si ça n'était pas automatique, jamais il n'y aurait de convention, jamais, enfin très souvent hélas, les maris ou les futurs maris ne consentiraient à donner une hypothèque sur leurs biens, et la femme qui n'oserait pas le réclamer pour une raison ou pour une autre, ou qui n'y penserait pas, risquerait d'être lésée, éventuellement. S'agissait-il d'une réforme favorisant l'épouse, on l'espère ? Rappelons que ce n'est que 2 ans plus tard qu'une femme n'aura plus à demander à son mari l'autorisation pour prendre un emploi. Ah, le mariage. Le mariage, eh bien, dans l'émission « Dimanche dans un fauteuil », deux comédiens proposent les sérieuses enquêtes de Jean-Benoît Lefouilly. Ici Jean-Benoît Lefouilly, envoyé spécial permanent de « Dimanche dans un fauteuil ». L'importance du problème que je dois traiter aujourd'hui n'échappera ni à ceux d'entre vous qui sont déjà mariés, ni à ceux d'entre vous qui, en âge de l'être, ne le sont pas. C'est en effet de la validité du mariage que nous allons partir pour aller, comme on dit, on verra bien. Bon, dites-donc, c'est long votre laïus parce que j'ai un dîner, moi. Deux minutes. La voix que vous venez d'entendre est celle du spécialiste que, selon ma méthode, je consulte en votre nom avant d'étudier les divers aspects de chaque problème. Oui, enfin, il y en a d'autres qui sont plus calés que moi là-dessus. Peut-être. Mais c'est vous que j'ai sous la main, n'est-ce pas ? Maître Carnaval est en effet l'homme de la situation pour 3 raisons. C'est une gloire du barreau de Melun, d'abord. Oui. D'ailleurs, je suis à Melun, si vous connaissez. La ville est charmante. Oui, faut y vivre, mon cher. Ensuite, il est maire de Sotteville en Poitou. Oui, effectivement, je suis domicilié en Poitou, mais mon cabinet est à Melun, voilà. Dis donc, c'est quelque chose pour vous, le problème des transports. Ah, bah, je conduis bien. Enfin, un peu vite, mais bien, quoi. Et en tant que premier officier municipal de sa commune, chargé de procéder au sacrement du mariage... Attention, à la mairie, ce n'est pas un sacrement, c'est tout, sauf un sacrement. Ah oui, excusez-moi. Mon frère qui est vicaire à Gonesse-en-Ouche, lui, il sacre pas, moi d'ailleurs, nous sommes penchés à mort. Alors c'est... Ah mince. Oui, nous sommes penchés. Oui. Enfin, 3e raison, Maître Carnaval est marié lui-même, c'est assez dire qu'il connaît tous les aspects de la question. Oui. Maître, est-ce qu'en France, certains mariages peuvent être considérés comme des erreurs ? Eh bien, la plupart, presque tous. Voyez-vous, le célibat, à mon avis, mérite... Non, je me suis mal fait comprendre. Je repose la question. Bon, alors, assez vite, parce que j'ai un dîner. Peut-on, en France, comme il vient d'arriver à de nombreux couples en Israël, être marié à tort ? Je veux dire, pas marié alors qu'on croit l'être. Parce que vous me posez une question, mon cher. Une question qui me prend un peu à brûle pour point. J'ai pas préparé le dossier, alors. On va essayer de s'en sortir, mais extrêmement calé, voyez-vous. L'usage de fausses identités de la part d'un des conjoints me paraît être un motif possible, voyez-vous. Vous connaissez des cas ? Aucun, non. Ah, c'est dommage. Oui, c'est vrai. C'est dommage parce que j'aimerais bien. Le fait de répondre non à la question classique, un tel ou une telle, désirez-vous prendre pour époux ou pour épouse me semble également être un motif de nullité. Voyez-vous. Évidemment, mais dans ce cas, il n'y a pas mariage. Non, il n'y a pas. Ah, bah oui, il n'y a pas de mariage. Ce qui vous intéresse, c'est le faux mariage. Oui. C'est le faux mariage. Oui, je sais. Quoique, on peut admettre que certains oui ne sont prononcés que du bout des lèvres. Quelque chose comme, par exemple, vous avez des. Le oui pas franc, quoi. C'est ça, le non pas net, voyez-vous. Ouais, exactement. J'imagine que dans ce cas, l'un des deux est moins marié qu'il pense, voyez-vous. Oui, c'est vraisemblable. C'est tout à fait vraisemblable. Mais la loi, officiellement, prévoit-elle des cas de nullité ? C'est possible. En tant qu'avocat, vous ne pouvez pas m'en dire plus. Mais vous savez, je suis spécialisé dans la faillite frauduleuse, n'est-ce pas ? Alors j'ai oublié. Ah oui, évidemment, c'est pas les généralités. Je travaille dans le non franc et massif. Vous savez de quoi payer ? Non. pof, faillite. Voilà. Non, on m'avait cependant dit que dans certaines conditions, le mariage prononcé par un adjoint du maire non mandaté pouvait... Attendez, mais dites-donc, ça m'intéresse. Est-ce qu'il se pourrait qu'une bonne partie de la population de cette ville en Poitou, là, notamment une petite buraliste qui fait la brune à mon égard... Mais dites-donc, vous avez des tuyaux, ça m'intéresse. Ah, mais ça, je peux en avoir, il suffirait de téléphoner, n'est-ce pas? Non, mais j'ai pas le temps, cher ami, parce que je crois des juments intéressés par ça, là. Bon, écoutez, repassez demain. Oui. J'ai un dîner, là. Je ne vous chasse pas. La porte est devant vous. Voilà. Et encore merci. Non, pas cette porte-là, parce que c'est là, c'est l'autre porte. Voilà, c'est ça. À plus tard, cher ami. Oui. Ici la place de la Concorde qui vous parle depuis le fouille. Ici le fouille Benoît. Qu'est-ce que je raconte? Bon, on recommence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je suis maintenant en place de la Concorde, exactement au bout de la rue de Rivoli, c'est-à-dire au coin de la rue... C'est quelle rue, s'il vous plaît? Ici. À la place de la Concorde. Non, mais non, la rue. Enfin, vous dites ici, alors si c'est sur la place, alors... Non, ça, c'est rue Saint-Fiacre. Merci. Ouais. Au coin de la rue de Rivoli et de la rue Saint... Mais non. Saint-Fiacre, c'est au métro Montmartre. Écoutez, monsieur, vous pourriez faire attention. Oh ben, à part ça, comme tu l'as, c'est pas mal. Vous me coincez sous une gouttière depuis 20 minutes que j'ai pas mon béret, que je m'enrue, mais m'engueule. Oh ben, c'est bon, ça. Mais monsieur, je ne vous gronde pas, enfin. Mais qu'est-ce que vous fous, alors? Excusez-moi. Ah bon, monsieur, dis donc. Ah. Au coin de deux rues, dont l'une est la rue de Rivoli et l'autre Saint. Placide. Non. Eh ben, Sulpice. Non. Père. Hein? Ça perd. Non. Ah bah merde, quoi, je sais pas que ça a à faire. Vous récitez la Italie sous une gouttière, alors. Monsieur. Non, bah tant pis. J'ai choisi la place de la Concorde parce qu'elle m'a paru un bon endroit pour parler mariage et poser la question clé, si c'était à refaire. Heureusement, la pluie cesse. Je vois des gens sortir du métro. Ici, s'il vous plaît. Ici, c'est pour la radio. Ici, c'est en interview. Allez, ici. Hop, ici. Ah, un couple. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes marié. Bah alors quoi, j'ai le soin à recevoir de personne, moi. Non, c'est une simple question. Oh, mais il fait rien de mal, d'ailleurs, sa femme, elle est au courant qu'on soit ensemble, allez. Ah bon, excusez-moi, alors, ça change. Bon, on va changer son fusil d'épaule. Je suis maintenant, et je pense que ce sera pour vous une bonne surprise, chez Mme la comtesse Marie-Antoine de la Maille du Haut, qui est justement l'exception, le phénomène, en quelque sorte, le cas. Silence, les minous. Elle présente cette particularité d'avoir été mariée sans lettre, si j'ose m'exprimer ainsi. Comment cela s'est-il passé, Mme la comtesse? Eh bien, bêtement, comme tout ce que faisait le comte. Nous nous étions aperçus d'assez loin, entre deux plantes vertes, lors d'une sauterie chez les entresols. Vous savez, la grande raffinerie. Ah oui, le pétrole. Non, le sucre. Ah, enfin, passons. Nous marions, enfin, du moins le cruge. Mes enfants chéris, vous allez fort, je vous jure que vous allez un peu fort. Ils sont mignons. Adorable félin. Or, le comte, retenu par je ne sais quelle obligation le jour du mariage, se fait remplacer. Il faut dire que le tout s'était passé par l'intermédiaire des familles. Je n'aurais pu vous dire comment le compte était fabriqué. Allez-vous la clore une seconde, mes chéris? Ils sont très mignons. Écoutez, monsieur, si ce n'est pas trop vous demander, voulez-vous aboyer une seconde, s'il vous plaît? À moi, mais je ne sais pas si je saurais. Mais si, monsieur, ne soyez pas modeste. Je vais essayer. Wah! Wah! Eh bien, wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Assez, monsieur, assez! Vous allez leur faire peur, maintenant. Eh bien, la cérémonie s'est déroulée dans la plus stricte intimité. J'étais moi-même grosse de 7 mois. Oui, oh, une folie avec un autre. J'étais assez heureuse que tout soit expédié, vous pensez bien. Je n'ai jamais vu le comte. Ma délivrance m'éloigna quelque temps des fêtes et des réjouissances. Lui-même chassait en Herzégovine. 1914, bien sûr. Patatrac. Veuf de guerre. Le comte ayant raté un marchepied au sortir du train en gare de Montluçon, n'est-ce pas? Oh, c'est extraordinaire. Non, mais non, pas du tout. J'ai écrit 10 fois au chemin de fer au sujet de la hauteur anormale de ces marchepieds. Il paraît qu'il faut 100 morts pour que ça compte. Enfin, attendons. Et vous vous êtes tu? Oui. Par respect pour une chère mémoire, j'ai vécu seul, avec mon valet de chambre, qui a été très bien, d'ailleurs. J'ai maintenant de grands-fils qui eux-mêmes ont procréé, n'est-ce pas? Je vous remercie, madame la comtesse. C'était bouleversant. Non, mais ne vous sauvez pas, nous allons passer à l'office. Ne vous sauvez pas. Oh, vous êtes trop aimable. Alors, une goutte, hein, seulement, une goutte. Et ça, nous leur hacherons leur mou. Ah. À ces petits drôles. Ah bon, ils sont très bien. Ici Jean-Benoît Le Fouilly, envoyé spécial permanent de dimanche dans un fauteuil. Aïe, j'en ai un dans le cou. Veux-tu me fiche le cou? Veux-tu me fiche le camp? Qui vous a parlé des mariages? Veux-tu ne pas me griffer? Le mariage illicite. Veux-tu... Ah, mon pantalon. Veux-tu descendre? Dimanche dans un fauteuil, les enquêtes de Jean-Benoît Le Fouilly, si c'était à refaire, par Guy Bedos et Roger Carrel. Réalisation Jean Chouquet. Première diffusion sur Paris Inter le 17 février 1963. Et voici qu'en cette fin d'année 1963, au 116 avenue de New York, dans le 16e arrondissement de Paris, un bâtiment nouveau, une maison, est inauguré. À tant d'idées, de mots, d'images, de sons lancés sur des ondes merveilleuses, à toutes ces rafales de suggestions déclenchées vers la foule secrète des esprits. Bref, à la radio, fallait-il une maison ? Oui, car pour étendues que soient ses limites, disperser ses sources et varier ses émissions, la radio est une œuvre humaine, autrement dit collective. Sans doute se nourrit-elle de la capacité des individus. Mais pour être valable, il lui faut l'effort conjugué des équipes. Et c'est pourquoi ce bâtiment complexe et imposant, mais aussi unitaire, et circulaire est le signe de l'organisation, de la concentration et de la cohésion qui sont nécessaires à son audience et à son influence. 600 invités participaient à l'inauguration de la maison de la radiodiffusion télévision française par le président de la République. Le soir même, visite guidée pour les auditeurs, conviés à leur tour, via les ondes, par Samy Simon. Ainsi que me le dit M. Léon Conturie, ingénieur général des télécommunications et chef du service des bâtiments. Le microphone est une oreille aussi sensible qu'impitoyable, de telle sorte que l'acoustique interne doit être réglée d'une manière particulièrement délicate si les seuls éléments dictés par la physique étaient mis en place sur les parois du studio, que ces éléments soient des matériaux absorbants ou résonnants, que ce soit un certain nombre d'irrégularités de formes diverses destinées à faire éclater en quelque sorte le son, on aboutirait à une physionomie ingrate, de telle sorte que c'est à ce moment-là qu'il appartient à l'architecte ou au décorateur d'interpréter ces données scientifiques, ces données physiques, sous une forme qui, par le choix des matériaux, leur volume relatif, leur couleur, crée un cadre d'une esthétique nouvelle, une sorte de branche nouvelle d'un art moderne. Équilibre et harmonie des formes donc, mais aussi perfection de l'outil. Un outil à la mesure enfin de sa tâche et que nul n'attendait plus impatiemment que M. Claude Mercier, directeur de l'exploitation. Tout d'abord, pour les services d'exploitation, la maison de la radio, ce n'est vraiment pas un luxe. C'est une nécessité, et une nécessité fonctionnelle. Depuis la libération, la radiodiffusion sonore vivait d'expédients, dispersés dans de multiples locaux inadaptés à ses fonctions, et livrés souvent, trop souvent, à des perturbations de marteaux-piqueurs d'immeubles voisins. Par conséquent, la maison de la radio est enfin l'occasion de regrouper des studios et d'avoir des studios corrects. Ce regroupement était impatiemment attendu depuis 20 ans. Le matériel qui équipe la maison de la radio est un matériel construit par l'industrie française sur les indications des services de la RTF et par conséquent qui traduit une expérience de 20 ans d'exploitation de la radiodiffusion sonore. Ces matériels devaient être rénovés, ils devaient être adaptés à la période que nous vivons maintenant, période qui marque le départ d'une évolution de la radiodiffusion sonore. Cette évolution de la radiodiffusion sonore, nous l'avons déjà avec le développement du réseau à modulation de fréquence. C'est aussi une perspective, peut-être moins immédiate, mais qui viendra sûrement, le développement de la stéréophonie. Évidemment, on peut peut-être dire, la RTF est le dernier organisme européen, probablement, de radiodiffusion sonore à avoir sa maison. Consolons-nous, car s'il est le dernier, il dispose maintenant d'une maison qui est probablement la plus moderne et sans doute la mieux équipée. Eh bien, cet outil, nous allons le voir, ou plutôt l'entendre au travail, en suivant Robert Clouard, ingénieur chef du service de production sonore, pour un court exercice de virtuosité. Le public s'interroge souvent sur le rôle du studio. Le studio est le local où le chef opérateur du son va cueillir le son. Mais le son est pour lui une matière brute. Pour en faire une émission, il convient de le travailler, de le modifier. Et c'est ainsi qu'il peut être amené à en modifier la tonalité. La particularité de la maison de la radio est que c'est une opération particulièrement facile, et c'est ainsi qu'on peut, d'un seul geste, renforcer les graves si on veut obtenir une voix plus grave ou plus intime, suivant le cas, ou au contraire, renforcer les aigus si la voix du speaker convient mal au genre de l'émission. Parfois, le réalisateur voudra entraîner ses interprètes dans un monde différent. Et pour cela, il dispose d'une arme qui est la réverbération artificielle grâce à une chambre d'écho. Un geste, un bouton, et nous voici immédiatement transportés dans une ambiance totalement différente. Voulons-nous que cette ambiance soit celle d'une cale ? En un instant, nous y sommes transportés. Voulons-nous, au contraire, nous transporter dans un hall de gare ? Un autre geste, et nous y sommes. Et nous pourrions ainsi multiplier nos exemples, prouvant combien il est facile, grâce aux installations de la maison de la radio, d'atteindre tous les aspects de l'esthétique radiophonique. Eh bien, avec la même facilité, désormais, le monde est à notre porte. Témoin ce multiplex éclair et improvisé entre quatre continents. J'appelle par exemple Michel Texier, notre correspondant à Washington. Allô ? Allô, Michel Texier, vous m'entendez ? Oui, Sammy Simon, je vous entends parfaitement. Et je vous envie personnellement d'être dans cette nouvelle maison que je n'ai vu que de l'extérieur et que j'aimerais bien connaître de l'intérieur maintenant. Eh bien, j'espère que très bientôt, vous allez pouvoir sauter dans un Boeing et venir nous dire bonjour. Allô, Jacques Salbert ? Oui. Bonjour. Eh bien, comme disait Michel Texier tout à l'heure, je vous envie d'avoir une belle maison à Paris. Et puisque nous avons de très beaux studios maintenant à New York, en plein centre de Manhattan, je vous passe Robert Cessé, qui, lui, est à l'écoute de New York. À vous, Robert. Oui. Bonjour, Samy. Effectivement, comme vous disait Jacques Salbert à New York, nous sommes dans des studios magnifiques et qui ne sont pas, évidemment, au point de vue technique, aussi bien équipés que les vôtres à la maison de la radio. Cependant, néanmoins, je dois dire qu'à 5000 km de la France, nous pouvons retrouver ici un service technique suffisamment important pour nous permettre, maintenant, chaque jour, d'être en liaison avec Paris, aussi bien que Washington. En tout cas, si l'installation n'est pas encore aussi up-to-date que celle du Quai de Passy, vous y faites quand même d'excellents travaux et vous l'avez montré dans ces derniers temps. Allô, allô, j'appelle Jean Bergognier. Oui. À Caracas. Oui. Vous savez que la délégation de la RTF est normalement à Montevideo. Oui, je sais, c'est un petit tour de force que vous faites d'ailleurs, parce que vous êtes en train de sauter, de faire des petits sauts de quelques milliers de kilomètres, de Rio à Montevideo, à Buenos Aires, à Caracas, mais c'est le métier qui veut ça. Eh bien, écoutez, on va sauter ensemble, si vous voulez, en Afrique. Allô, Paul Benoît, vous nous entendez ? Allô, oui, Samy Simon, je vous entends, bonjour. Dakar vous apporte le salut fraternel et, je dirais aussi, ensoleillé de l'Afrique. Eh bien, je vous remercie, on y est très sensible. D'ailleurs, Dakar se réjouit de cette manifestation de la technique grâce à la nouvelle maison de la radio. Et je vais vous poser une question, Samy Simon. Vous savez que vous avez de nombreux auditeurs en Afrique. Plusieurs Sénégalais m'ont demandé si on pouvait visiter la maison de la radio à Paris. Mais bien entendu, et ce sera toujours avec le plus grand plaisir, vous pouvez leur dire qu'on les attend ici et de tout cœur. Merci. Alors, maintenant un petit saut en Asie, à Beyrouth. À Beyrouth, où je pense qu'il fait une soirée douce sur les bords de la Méditerranée. Oui, ici Beyrouth. Bonsoir, Samy Simon. Bonsoir, Jean Lefebvre. Effectivement, nous sommes dans une saison extrêmement agréable et pittoresque pour le Liban. Il neige sur la montagne depuis quelques jours. Et quelques sportifs audacieux peuvent se payer le luxe en ce moment de faire du ski nautique le matin et du ski de neige l'après-midi. Vous voyez quel pays de rêve. Je pense bien. Heureux homme. Bonjour Lefebvre, c'est Texier à Washington. Comment vas-tu ? Bien mon vieux. Tu as dû travailler, j'ai beaucoup pensé à toi ces jours-ci. Ah c'est gentil, j'ai travaillé comme un cheval. Oui, je m'en doute. Texier. Oui. J'ai un très bon copain à l'AFP à Washington. Moisy. Oui. Je sais, on a parlé beaucoup de toi. Tu lui donneras le bonjour s'il te plaît, papa. Entendu, je ne le manquerai pas tout à l'heure, dans 5 minutes. Et voilà. Ce qui était hier encore une prouesse est devenu aujourd'hui une routine. On n'arrête pas le progrès. C'était les années 60, aujourd'hui 1963, quatrième émission. Document INA Hervé Evano, réalisation Virginie Mourté, une émission de Philippe Garbi. À suivre.